Mercredi le 13 juillet, ici Dominique Lelièvre et les informations à CKRL. On a d'abord de nouveaux développements concernant l'écrasement d'avion aux îles de la Madeleine qui a coûté la vie à Jean Lapierre et sa famille. Pour une raison encore inconnue, l'altitude et la vitesse de l'appareil Mitsubishi étaient tous deux bien plus élevés que ce qui était recommandé. C'est ce que démontre l'enquête préliminaire du Bureau de la sécurité des transports dévoilée aujourd'hui. L'analyse des données de l'enregistreur de vol démontre que l'avion a décroché lorsque le pilote automatique a été désactivé par les pilotes dans l'approche finale. Le rapport publié aujourd'hui ajoute que les moteurs de l'avion, le train d'atterrissage et les systèmes de navigation ne présentaient aucune anomalie mécanique. L'enquête du Bureau des transports qui se poursuit. Et scène régionale, un premier incident impliquant la très populaire application Pokémon Go est survenu à Québec hier soir. Deux jeunes adultes circulaient près du boulevard Bastien un peu avant 20h quand ils ont embouti une voiture de police. L'incident est survenu dans le stationnement de la bibliothèque Saint-André, c'est dans le secteur Neuchâtel. Et interpellé par la police, le conducteur a spontanément avoué qu'il était en train de jouer à ce nouveau jeu de Nintendo très populaire. Les policiers ont été traité pour des blessures mineures, tandis que l'automobiliste a reçu un constat d'infraction. Rappelons que cette application de réalité virtuelle, même si elle n'est pas officiellement disponible au Canada, est déjà utilisée par des milliers de personnes au pays. Et à l'échelle mondiale, l'application a déjà dépassé Twitter en termes de nombre d'utilisateurs. 9e Transat Québec-Saint-Malo, alors que les deux voiliers de la classe ultime s'apprêtent à prendre le départ cet après-midi, eh bien les autres voiliers se disputent une très chaude lutte dans le golfe du Saint-Laurent. Après 3 jours de course, 3 des 4 triamarans se livrent une lutte acharnée. À seuls 6 petits kilomètres distance, l'Arkema, le French Tech Rennes-Saint-Malo et le Ciela Village. Même chose chez les monocoques, le voilier espagnol Thales 2 distance de manière similaire à ses principaux rivaux, l'Imerys et le Région Normandie. Les bateaux se situent présentement entre la Nouvelle-Écosse et Saint-Pierre et Miquelon. Ils risquent fort de se faire doubler prochainement par les deux géants de la classe ultime qui partent à 16h cet après-midi. L'objectif de ces deux géants, qui sera certainement de battre le record de la traversée établie en 1996 à 7 jours, 20 heures et 24 minutes. En terminant, des citoyennes Cap-Rouge en avaient lourd sur le cœur hier lors d'une séance d'information sur les émanations de l'usine Anacolor. Plusieurs ont demandé le déménagement pur et simple de l'entreprise qui se spécialise dans le revêtement de métaux. Une étude dévoilée par la Santé publique régionale a démontré que les concentrations de composés organiques volatiles dans le secteur dépassaient parfois les normes environnementales, mais il n'y aurait pas de risque toxique pour la santé. À CKRL, c'était les actualités. De retour à l'émission Midi Jazz.